Bien utiliser un GPS, c'est le programmer avant le départ, réponse A. Le programmer pendant le voyage, réponse B. En circulation, il vaut mieux regarder l'écran, réponse C. Écouter les indications, réponse D.